FrenchPod.com. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Vraiment, je dois y aller, Sophie. Quoi ? Qui est Sophie ? Adieu.